fait bien trop longtemps qu'on attend de voir ce qui est possible. Un paquet de temps qu'on rappelle, gratter c'est cosy. Un paquet de temps qu'on attend, patiemment notre tour et leur tour. Un paquet de temps qu'on attend de voir leur tour. Me demande pas pourquoi je crie dans le morceau. C'est parce que les petites putes tirent en vache dans les dorsaux. Encore se tourne par la fonte de la veille. Mes fantômes me parlent qui de l'au-delà viennent. Écoute bien, comprends qu'on a la dalle. On a la rage en bas, j'emmène le diable dans ma barre. Cousin, tu veux croquer, tu vas te casser les molaires. On fera jamais de monnaie avec notre rap moderne. Je m'attends pas à ce que l'argent coule à flot. Plutôt qu'on coule tous, tous à bord du rafio. Va dire aux autres que l'avenir sera russe. Mais que c'est encore plus dur de percer dans la hure. Je travaille, mais la cul, je m'arrache. Vers la lune, ça rase. Nique le rap car c'est qu'une parade. Les frères sont hâles, laisse pas les frères en rade. Mais ils sont tellement rares que ça se passe mal et tous sont rames. Je suis réaliste, donc je réalise. J'atteins mes objectifs et au final j'aurai la liste. Je tire un trait sur mon passé. Excusez-moi les imparfaits, je suis venu pour les baffer. Les petits grandissent, les affaires sont en famille. On se monte une équipe, on se donne les moyens de réussir. Ultime déclic, je me sens seul dans la cabine. Monte le son dans mon casque, je me sens une assassine. Les pages froides, trop de ratures sur mon cahier. Je gratte des nuits entières, j'ai plus la force de travailler. Ma life, c'est le rap, mon existence sous des mesures. J'attends pas demain et que la concurrence soit sûre. Rarement détendu et tout le temps sur le kiff-vif. On se méfie tout et tout le monde, pour nous c'est kiff-kiff. Ouvre une taille, roule un spliff, microphone, nique anarchie. C'est comme ça depuis l'époque, les micros se fait anthracite. Tranche de vie 96-08. C'est 12 années de péril, pas trop se mettre en péril. Tout est pénible, moi qui rêvais d'une vie paisible. Après des années, je vois que les embouches changent pas de cible. On est tout sage, rap sans fil conducteur. Électrique de 120 volts sur le secteur. Électrochoc pour musique à chirurgie. Pendant que je dédicace ma ville là où les murs m'ont fait rentrer. Ils croisent le soir entre panier et la gare. Entre Bel Air et les carmes, ils filment ce mob dans le casque. Inarrêtable, tapant du poing sur la table. Engagé pour ceux qui souffrent et ceux qui craignent.